cours numéro 13. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. تقدم معنا في الدرس السابق المشهد الأول الإخلاص وكذلك الثاني الصدق والنصح. فالإمام ابن القيم رحمة الله عليه بين في هذه الفصول النافعة et montre dans ces six points qu'il a cité رحمة الله عليه l'importance de la صلاة وكذلك رحمه الله il insiste, il a insisté أن الصلاة كالبدن والإخلاص فيها والخشوع كالروح هذه الصلاة لها باطن وظاهر. Cette salat, c'est des actions, des gestes, الركوع والسجود وكذلك لها روح. Cette salat, elle a une âme. وتعلمون أن جسم بلا روح فميت. Un corps sans âme, c'est un corps mort. فهكذا صلاة بلا خشوع بلا صدق بلا إخلاص فلا تنفع. وثبت عن عمار ابن ياسر رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن العبد ليصلي الصلاة ما يكتب له منها إلا عشرها سبعها أو ثمنها وسبعها وحسن ونعم أعد قال إلا عشرها أو تسعها أو ثمنها أو سبعها أو سدسها أو خمسها أو ربعها أو ثلثها أو نصفها. انتهى قول النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث حسنه الإمام الألباني رحمة الله عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أن العبد الذي يصلي فربما يكتب له منها peut-être qu'il aura la récompense qu'un dixième فقط عشرها أو تسعها إلى أن قال ربعها le quart أو le tiers أو النصف. Ça, ça nous montre أن الناس يتفاوتون في الأجر في الصلاة وفي غيرها. C'est quoi la différence مع أنهم كلهم يقومون ويركعون ويسجدون. Ils font tous les mêmes gestes et ils sont tous dans le même صف. لكن la différence c'est الإخلاص. La différence c'est الصدق. La différence c'est الإحسان comme on va voir dans le درس d'aujourd'hui. كذلك la différence c'est المتابعة et le suivi du prophète صلى الله عليه وسلم. Faire الصلاة c'est important. بل لا يصح إسلام المرء إلا بها. L'insan il n'est pas musulman que s'il fait الصلاة. لكن apprendre comment accomplir cette salat, كذلك faire monter son iman, connaître Allah subhanahu wa ta'ala pour se recueillir, pour être sincère, pour faire partie de al-muhsinin, c'est aham, كذلك c'est muhim. Il a cité le premier mashhad al-ikhlas, la sincérité, ثم il a cité al-sidq, ثم قال فصل المشهد الثالث مشهد المتابعة والاقتداء. Le suivi du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Al-qa'il sallu kama ra'aytumuni usalli. Aïf, accomplissez la salat comme vous m'avez vu faire. Fal mu'min il doit faire salat lakin kama fa'alaha an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. On doit faire attention de ne pas rajouter des choses qui ne font pas partie de cette salat bidoun dalil bidoun burhan ou enlever des choses لأن هذه الصلاة على une كيفية bien précise, une façon bien précise de la faire. والمتابعة شرط في قبول الأعمال. C'est une condition pour que Allah subhanahu wa ta'ala il accepte les œuvres. المتابعة. وابن القيم رحمة الله عليه après avoir cité l'ikhlas والصدق il a cité هذا الشرط. لأن ما من عمل إلا ولا بد فيه من شرطين أي حتى يقبل عند الله عز وجل. N'importe quelle œuvre لا بد أن يجتمع فيها ces deux conditions. pour que Allah subhanahu wa ta'ala il accepte la sincérité وتقدم معنا في المشهد الأول والمتابعة le suivi du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et c'est notre sujet aujourd'hui dans ce dars وهذا في الحقيقة c'est معنى الشهادتين فقولنا لا إله إلا الله أو أشهد أن لا إله إلا الله أي تشهد بأن المستحق للعبادة c'est الله وحده لا شريك له فهذه الصلاة تصليها لله عز وجل tu l'accomplis pour Allah سبحانه وتعالى لا غير فالمسلم لابد يجب عليه أن يحقق هذه الشهادة فتوتes ces adorations toutes ces adorations qu'on fait pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala لابد فيها من إخلاص la sincérité وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين الشرط الثاني la deuxième condition المتابعة في الحقيقة c'est lié avec la shahada كذلك أشهد أن محمدا رسول الله فالمؤمن يعتقد أن محمدا صلى الله عليه وسلم c'est un رسول من عند الله عز وجل et c'est خاتم الأنبياء et هذا ça implique le suivi لأن النبي صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى il l'a envoyé pour être suivi يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فهنا ابن القيم رحمة الله عليه إلى الستة المتابعة فالحذر من الابتداع في الدين العبادة على كيفية لا تقبل إلا بها كذلك لا بد من نية حسنة deux points essentiels et ces deux points sont basés sont fondés sur deux hadiths qui sont connus ولله الحمد عند الجميع الأول حديث عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنية أيضا رواية بالنيات Donc l'amal yuqbal par rapport à la niya. Si la niya elle est hasana, elle est khalisa lillah, fa yuqbal. Si la niya c'est pour autre chose, fa la yuqbal. Fa man kanat hijratuhu ila Allahi wa rasoulihi, fa hijratuhu ila Allahi wa rasoulihi. Une bonne niya. Son but c'est de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man kanat hijratuhu li dunya yusibuha aw mra'ati yankihuha, fa hijratuhu ila ma hajra ilayhi. Il sera récompensé par rapport à sa niya. Si c'était pour se marier, il se mariera et ça s'arrêtera ici. Mais la récompense indallah, falla. Le deuxième point, il est fondé sur hadith Aisha, radiyallahu ta'ala anha, qalat, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minha fahuwa rad. Et dans l'autre riwaya, man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa rad. Aïe, العمل qui est pas fondé sur sunnat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam il est pas accepté عند الله فهو رد أي مردود على صاحبه même s'il a une bonne niya même s'il a une bonne niya même si son but c'est de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala فلابد من الاتباع من الاقتداء أي prendre comme modèle le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam كما قال عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة c'est une أسوة une قدوة حسنة c'est un bon exemple pour nous عليه الصلاة والسلام فأنا obligé de le suivre وإلا si on ne le suit pas ça divisera la communauté et si on ne le suit pas c'est comme si le prophète محمد صلى الله عليه وسلم il ne nous avait pas montré معاذ الله فالـ prophète عليه الصلاة والسلام il a été envoyé pour être suivi فالcelui qui veut adorer Allah سبحانه وتعالى se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, فلا بد qu'il se pose daiman deux questions. Pourquoi il fait ce amal? Et c'est quoi son intention? Et le musulman, il fait des efforts. يصحح هذه النية أنه le but c'est de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala et on espère la récompense. Et on craint le châtiment si on délaisse, si c'est une obligation. C'est ça, النية, الطيب. كذلك, on se pose une deuxième question. Est-ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam il a fait cette chose il a appelé à cette chose il a accepté cette chose et est-ce que cette adoration elle fait partie de notre dîn amma inventé rajouté déformé هذا سبب الهلاك كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور قال صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا أو قال كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فالبدع c'est من الضلال, ça fait partie de l'égarement. لأن النبي صلى الله عليه وسلم il a pas fait cette chose ou il a pas accepté cette chose ou il a pas recommandé cette chose. فلماذا لا فعل؟ فسي من الضلال, c'est l'égarement. وكل ضلالة في النار. الضلال لا من أفعي يدا بالله. فالحرص الحرص المسلم doit faire des efforts في هذا دائما. تصحيح النية c'est le cœur, son intention. Et كذلك العلم يتعلم comment faire. فلهذا ترى بعض الناس الآن leur salat فيها بعض الحركات أو الأقوال أو des manquements أو des rajouts que tu ne trouves pas لا في القرآن ولا في السنة ولا في عمل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. Des inventions, des bid'a. Pourquoi? Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam قال صلوا كما رأيتموني أصلي. C'est un ordre. Faites la salat comme vous m'avez vu faire la salat. قد يقول قائل أو يسأل سائل نحن on n'a pas vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam faire la salat. لكن ses compagnons radiyallahu anhum ils l'ont vu. Et ils ont décrit cette salat dans des hadiths que les savants de l'islam ils ont regroupé, que ce soit fi Sahih al-Bukhari ou que ce soit fi Sahih Muslim ou d'autres livres, ils ont rassemblé tout ce qui est lié à la salat dans des livres. Wa min ahsaniha wa anfa'iha kitab al-Imam al-Albani rahmatullah alayhi sifatu as-salat ou sifatu salat an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il te décrit la salat du prophète sallallahu alayhi wa sallam du début jusqu'à la fin. Wa hakadha avant la salat ma yata'allaq bit tahara, tu as des livres, tu as des rasa'il wa lillahi alhamd. Comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a fait le wudu. Le musulman il donne du temps à hada. Amma on donne aucun temps à hada. Et même si on fait la salat, il y aura des manquements, il y aura des rajouts. Il y aura des contradictions, des incompréhensions. فلهذا tu trouves l'un في نفس المسجد بل في نفس الصف. La salat c'est pas la même. Il y a des choses, bien sûr, c'est pas obligatoire. Notre salat, elle peut être différente. لأن مثلا واحد il a rajouté une sunna, l'autre il a fait que l'obligation. هذا لا يضر. Là on parle des choses, des inventions, des bid'a. فلهذا فلان ينكر على فلان. Tu peux trouver un musulman et reprend son frère, pourquoi tu fais telle chose, et un autre il reprend l'autre, pourquoi cette incompréhension et cette contradiction, alors que salat au Nabi sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait salat d'une manière, d'une façon, même s'il y a certaines choses qui changent, des sunan, il a arrêté, al-muhim, l'ensemble, c'est la même salat. Pourquoi on se diviserait fi hada? À cause de l'jahl, à cause de bid'ah, à cause de a'immatu dhalal qui invente des choses fi salat. وفي غيرها هذا سبب مهم. المشهد الثالث مشهد المتابعة والاقتداء. قال وهو يبقى تتايل الآن رحمة الله عليه سكوى المتابعة في الصلاة للسويفي دي بروفيت صلى الله عليه وسلم. قال وهو أن يحرص كل الحرص على الاقتداء في صلاته بالنبي صلى الله عليه وسلم. وتأمل قوله أن يحرص كل الحرص. الحرص c'est faire des efforts, prendre du temps, faire des sacrifices. أحيانا on veut voyager dans un endroit, on fait beaucoup d'efforts, on se renseigne sur le chemin. قبل ذلك on se renseigne sur les prix, on fait des efforts pour avoir une qualité prix طيبة, une bonne compagnie avec un prix pas cher, avec un وقت مناسب. ثم ربما on se renseigne sur le pays où qu'on va. Il y a des efforts. Pourtant, c'est un voyage. C'est un voyage. Est-ce que ce voyage il va te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala? Ça dépend de la niya. Al-muhim, il y a un effort. Hakada, celui qui va acheter une voiture, il y a un effort. Il se renseigne. Wa yadhhab huna wa hunak yas'al. Limadha li'annahu yurid yashtari cette siyara, cette voiture. Wa hakada, celui qui va acheter un bayt, une maison. المهم يا حرص. Pourquoi? لأن c'est une chose qui a de la valeur. Et c'est طيب, le musulman il fait attention. لأنه il va payer. فالعبادة c'est أولى et c'est أعظم et c'est أنفع de faire des efforts. لماذا؟ لأن cette maison, cette voiture, c'est quelque chose من الدنيا. الله أعلم, est-ce que ça va être نافع أو il va avoir un ضرر عليك. الله أعلم. أما الصلاة c'est ce qui te sauvera بإذن الله عز وجل يوم القيامة avec tes autres œuvres. Fais attention de ne pas regretter يوم القيامة. صلاتون qui n'est pas accepté. إما à cause d'une mauvaise niya, إما à cause de bid'a, khurafa, des inventions. فنستفيد من هذا, c'est pas toute salat qui est acceptée. Et c'est pas chaque musalli أنه il est à la khayr. لا. فويل للمصلين قال عز وجل. فويل لهم, أي certains qui font la salat. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون. Ils ont un problème في الصدق والإخلاص. كذلك, on a déjà cité le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cet homme qui a fait salat devant le prophète alayhi salatu wasalam, et quand il est venu voir le Nabi sallallahu alayhi wasalam, le prophète alayhi salatu wasalam قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي. Pourtant il a fait salat, pourtant il était sincère, لكن il avait un problème في الكيفية, أنه il se précipitait. Le Nabi sallallahu alayhi wasalam lui a montré, والحمد لله الصحابي l'accepté accepté وانتفع. وهكذا المسلم, ce hadith nous montre qu'on peut avoir des problèmes ou des manquements ou on ignore certaines choses. Lakin, si on te montre, et même si on ne te montre pas, fais des efforts. Fais des efforts et recherche le haq. Falaw chaque muslim fi baytihi une demi-heure par jour, bel un quart d'heure. Mathalan, wa yaqra fi kitab Cheikh Al-Albani rahmatullah alayhi sifatu as-salah, fa sayastafid jiddan. Alhamdulillah, le livre il a été expliqué, il a été traduit, c'est un livre très simple. Et حتى on conseille les débutants, ils commencent par le mukhtasar. Cheikh Al-Albani ma tawassa'a fihi, il cite que les points. Tu lèves les mains, tu fais le takbir de telle façon, tu récites le Fatiha par point. طيب, واحد يرسيت اللي هذا à sa famille ويستفيد. Amma, tu trouves l'un des familles entières, ربما لا احد يحسن الصلاة. هذا اللي مشغول avec son téléphone, هذا اللي مشغول avec internet, هذا اللي مشغول avec l'amal. الى متى؟ ملك الموت il viendra. Aujourd'hui, demain, ou qarib, pour chacun de nous. Et celui qui fait des efforts, il trouvera le khayr, bi-idhnillahi azza wa jal. Qala wa huwa an yihrisa kull al-hirs ala al-iqtida'i fi salatihi bi-nabi sallallahu alayhi wa sallam wa yusalli kama kana yusalli. Et on a cité qawl al-nabi sallallahu alayhi wa sallam, sallu kama ra'aytumuni usalli. قال ويعرض عما أحدث الناس في الصلاة من الزيادة والنقصان. نصيحة قيمة من الإمام ابن القيم رحمة الله عليه. Fais attention de ne pas suivre ceux qui inventent. Ils rajoutent ou ils enlèvent des choses. الصلاة المعروفة. العلماء ولله الحمد ils ont rapporté les hadiths, ils les ont expliqués. والأمر il est واضح. Il faut فقط être sincère et faire des efforts et appliquer. فَحْذَرْ مِنَ الزِّيَادَةِ فَكَثِيرُ مِنَ النَّاسِ ils ont rajouté des choses. Et si tu leur demandes pourquoi il fait telle chose fi salat, il ne pourra pas te citer un dalil. وَلَا la moitié d'un dalil, وَلَا الشَّيْءِ. قَالَ وَالْأَوْضَعَ الَّتِي لَمْ يُنْقَلْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ شَيْءٌ مِنْهَا وَلَا عَنْ أَحَدْ مِنْ أَصْحَابِهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ. Et هذا, ça te montre, si tu veux que tes œuvres elles soient acceptées بإذن الله عز وجل, فدائما pose-toi cette question. هل نقل هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ خاصةً quand c'est une chose qui sort de l'ordinaire ou la première fois que tu la vois, ça te paraît bizarre. فتسأل. Et même si ça te paraît pas bizarre, تسأل دائما. مثلا, tu veux aller au Hajj. Tu n'as jamais été au Hajj, tu n'as jamais fait le Hajj, tu n'as jamais appris comment faire. Tu te poses cette question. Comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a fait? Khudu anni manasikakum, qala alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Vos manasik, comment faire le Hajj? C'est moi votre exemple, vous faites comme moi. Hakada qala nabi sallallahu alayhi wa sallam. Kadhalik, wala an ahadin min ashabihi radiyallahu anhum. Et ce point il est important. Lianna ba'd an-nas imma يستدلون بأحاديث ضعيفة أحيانا. Il se base sur des ahadith ضعيفة. Alors que المسلم il doit faire des efforts pour appliquer الأحاديث الصحيحة. أما الضعيف لا. الضعيف c'est faible. Le prophète صلى الله عليه وسلم il a pas fait cette chose ou dit cette chose qui est dans ce hadith faible. Enfin, on n'a pas à l'appliquer, que ce soit في الصلاة ou في غيرها. كذلك بعض الناس الحديث il est صحيح لكن ils le comprennent mal et ils l'appliquent mal. Et في الحقيقة leur application ça fait pas partie de la sunna du prophète صلى الله عليه وسلم. Pourtant à la base ils ont un délit. لماذا لأنهم ils se sont pas posé cette deuxième question. Comment les sahaba radiyallahu anhum ils ont fait? لأن هؤلاء radiyallahu anhum c'est eux qui ont assisté à la révélation, c'est eux qui ont compris. C'était les élèves du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est nos exemples. Si un fi'l les sahaba radiyallahu anhum ils l'ont pas fait ou un dhikr ils l'ont pas fait, fabta'it. Écarte-toi, c'est du char. فلهذا الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود أبو عبد الرحمن رضي الله عنه quand ils l'ont informé أن قوما في العراق في مسجد من المساجد ils se rassemblaient et ils faisaient الذكر d'une façon innovée. Le prophète صلى الله عليه وسلم il n'a jamais fait de telle façon et les compagnons رضي الله عنهم كذلك. Quand ils ont informé عبد الله بن مسعود رضي الله عنه il est parti voir هؤلاء et il les a conseillés et il leur a dit. Quand il les a conseillés, ils ont répondu « Ya Aba Abdurrahman, ma aradna illa khayran » et on veut que le bien. « Faqala radiyallahu anhu, kam min murid lil khayr lam yudrikuh » ou « lam yudrikuh » et combien de personnes ils veulent faire le bien et ils n'arrivent pas à faire le bien. Ça nous montre qu'un niya, ça ne suffit pas. Un niya, c'est essentiel. Lakin on est obligé d'avoir le deuxième pilier, le suivi du prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Thumma il les a conseillés. Il les a conseillés, et ils se rassemblaient, fil masjid, après salat, et wahed minhum, il y avait plusieurs hilaq, et des assises, hakada, de 10 personnes, 20 personnes, et wahed il se levait, il disait Allahu Akbar, et ils disaient tous Allahu Akbar. Et ils comptaient avec le hasa, avec des pierres. An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il n'a jamais fait hakada. As-Sahaba radiyallahu anhum, ils n'ont jamais fait de telle façon. Pourtant, c'est du zikr. Et ils ont prétendu que l'intention, elle est bonne. مع هذا لا ابن مسعود أنكر عليهم وقال لهم إما vous avez dépassé أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أي في الفضل أي vous avez réussi à faire une chose qu'ils n'ont pas faite وهذا c'est مستحيل إما à deuxième issue vous avez ouvert فتحتم باب ضلالة vous avez ouvert une porte d'égarement et ils ont ouvert une porte d'égarement فلهذا الراوي il rapporte أن جل هؤلاء ceux qui n'ont pas écouté Nasihat ibn Mas'ud radiyallahu anhu et ils n'ont pas voulu revenir et délaisser cette bid'a, Ar-Rawi rapporte annahum la plupart ils ont combattu Ali radiyallahu anhu yawm an-Nahrawan ma'al khawarij, ils sont partis avec les khawarij. Limada li'anna al-bid'a ça commence à hakada la tadhun anna al-mubtadi' al-munharif du jour au lendemain qala je veux plus sunnat an-nabi sallallahu alayhi wa sallam et je veux inventer abadan. Au départ, rubbama, il y a une bonne intention, lakin, jahlun, kadhalik, i'radun, ils n'écoutent pas al-nasa'i'. Thumma, ils se détournent, hatta, ils s'égarent, iyadun billah. Fahaoula, ils ont fini ma' al-khawarij, ils ont combattu, afdhal, al-sahaba à son époque. Aliyun, radiyallahu ta'ala, hakada, al-bid'a. Ala kulli hal, da'iman nahnu, notre exemple, c'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et kadhalik, on étudie la façon de faire des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on peut citer min al-bid'a. Après, on va citer trois exemples, incha'Allah ta'ala, pour clarifier. Une bid'a avant la salat, une mukhalafa pendant la salat, et une bid'a après la salat. Trois exemples فقط pour vous montrer أن بعض الناس ils inventent في الصلاة وإلا في البدع والأخطاء والمخالفات في الصلاة كثيرة à notre époque. فمثلا من البدع قبل الصلاة avant la الصلاة بعض الناس إذا قاموا يجهرون بالنية ils prononcent النية et ça c'est une bid'a باتفاق الأمة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه il a rapporté l'unanimité que c'est une مخالفة c'est une bid'a le prophète صلى الله عليه وسلم il l'a jamais fait il a jamais recommandé de le faire. فمثلا البعض يقومون et avant de faire le takbir et ils sont debout dans le rang et ils prononcent النية. Ils disent مثلا صلاة الظهر إن شاء الله تعالى. من أين أتوا بهذا. Si tu te poses la question, est-ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam fa'ala hadha? C'est Imam al-Muttaqin, c'est lui qui nous a montré le din. وقال لنا عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي. Tu ne trouveras jamais un hadith fait هذا. Est-ce que les Sahaba radiyallahu anhum ils ont déjà fait هذا? Tu ne trouveras pas. C'est une invention. Allahu a'lam qui c'est qui l'a inventé. Et tu trouves un umma min al-nas, umma min al-bashar, quand il se lève, salat al-dhuhr inshallah, salat al-asr inshallah. C'est une faiblesse dans la raison. Et c'est une faiblesse dans le dîn. Les anna, est-ce que tu as besoin de prononcer هذا? Allah il sait ce qu'il y a dans ton cœur. Tu as fait l'endo chez toi. Tu t'es déplacé au masjid. Tu es rentré dans le rang. Est-ce que tu as besoin de dire salat al-dhuhr? Tu es venu que pour ça. Ça c'est wadih. Ça serait une sunnah, il y aurait un hadith. On mettrait la raison de côté, on dirait, on le dit, même si c'est clair. Mais il n'y a pas de hadith. S'il n'y a pas de hadith, on n'a pas le droit de contredire l'aql. Tu rentres, bittakbir fi salat, walhamdulillah. Mais cette invention, elle peut ouvrir un bête de char, une porte de char. L'insan, s'il refuse nasiha dans ce genre de choses, pour Ba'dan Nas, ce n'est pas quelque chose de grave. Les Ba'dan, je les conseille, ils disent, mais il y a quoi de mal? Il y a un énorme mal. C'est que Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il nous a ordonné de le suivre, et si tu n'acceptes pas, tu refuses de le suivre. C'est très très grave. Pourquoi rajouter? Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a interdit de rajouter. Fani ma'ad a rajouté. Est-ce que sunnat Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ça ne nous suffit pas? Si on répond si, on va tous répondre, na'am, ça nous suffit. Fani ma'ad a rajouté. Ça, c'est une bid'ah avant la salat. Une mukhalafa pendant la salat, anna wa'ad nas yasta'jiloun, se précipite. Hatta ba'dhum rubbama yafun as-sujud avant l'imam. Alors que Al-Bara ibn Azib radiyallahu ta'ala anhu comme fi sahih al-Bukhari qala il a informé anna lam yahni ahad minna dhahrah hatta kana an-nabi sallallahu alayhi wa sallam yaqa' sujudan aw sajidan fa naqa' ba'dahu sujudan. C'est ça sunnat an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Al-Sahaba radiyallahu anhum, quand ils étaient derrière le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quand il était debout après le recours, Sami Allahu liman hamida, Rabbana wa lak al-hamd. Tu restes un temps debout. At-tuma'nina, c'est un rukn, c'est important. Thumma tasjud. Quand tu es derrière l'imam, ba'd an-nas yasta'jilun, on le voit l'an fi tarawih. Lianna al-imam, quand il va commencer à se prosterner, il dit Allahu akbar. Takbiratul intiqal, on avait dit c'est entre les deux rukn, entre la position debout et le sujud. Tu trouves wa'd al-ikhwa yasta'jilun. فالإمام مثلا il est debout et il commence à descendre pour se prosterner, fa il dit Allahu Akbar. Tu trouves بعضهم dès qu'ils entendent Allah ils descendent. ربما si l'imam il est assez lent, tu trouves كثير من الناس si tu regardes ils font sujoud avant l'imam, et ça c'est très grave. Le Nabi صلى الله عليه وسلم il nous a interdit هذا. إنما جعل الإمام ليتم به. فلماذا se précipiter? Quand l'imam il dit Allahu Akbar, laisse un temps. Quand son front il est en contact du sol, ثم on fait sujoud. هذا حتى نحن هنا هنا نقص في هذا احيانا. À peine on voit les gens commencent à faire sujoud, on fait sujoud. Ça c'est un khata. Et بعضهم يستعجل vraiment à peine l'imam يقول كلمه او يكمس حركه il se précipite ويخالفون الامام. Et مخالفة الامام في الصلاه, ça contredit la voix du prophète صلى الله عليه وسلم dans ce point. من البدع après la salat, النبي صلى الله عليه وسلم nous a démontré comment clôturer الصلاة avec التسليم. تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. الحديث il est ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. Donc pour finir la salat, التسليم. ثم le prophète صلى الله عليه وسلم nous a montré des sunan. أذكار أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله اللهم أنت السلام ومنك السلام إلى آخره. كذلك قراءة آية الكرسي, كذلك 33 fois سبحان الله. Alhamdulillah, ces adhkars, ils sont connus inda al-ikhwan. Tu trouves Ba'd al-Nas, ils délaissent tout ça, et après le taslim, ils lèvent les mains, ils font du'a. Thumma, si tu le conseilles, rubbama yaqulu lak, ايش فعلت? Fa ana ad'u Allah, il n'y a aucun mal. Si, il y a un mal. Lianna, si anta tu fais du'a à ce moment, et un autre, mathalan, il fait une autre chose, on va changer de din. Ad-din yataghayyar, kama taghayyar ad-din an-nasara. فانحرفوا. كذلك من البدع بعضهم quand ils ont fini as-salat, ربما toute la journée ils sont ensemble, ربما ils étaient assis ensemble avant salat, ويتكلمون ثم ils ont fait salat, et après la salat ils se serrent la main. المصافحة من أين جاء هذا? Pourquoi se serrer la main? Si tu ne l'as pas vu, n'aim, il y a juste salam alaikum. Lakin penser, et c'est ça le cas de Kathir Minan, c'est bien de se serrer la main. Et Badoum il rajoute Allah yataqabbal, ou taqabbal Allah. Tout ça c'est min al-bida'. Pourquoi tu ne demandes pas le kaboul fi sujoudik? Asa Allah subhanahu wa ta'ala yastajib ou lak, et il exauce ton dua et il accepte pas cela. Amma ça fait qu'il y a l'insan, mais min Allah subhanahu wa ta'ala sur ce point. Et bid'a kathira, fil haqiqa, ça demande une kalima, les rassembler et les détailler avec kalam ahl al-ilm. Qala, wala yaqif 'inda aqwal al-murakhisin alladhina yaqifuna ma'a aqal ma ya'taqiduna wujuba. Amma as-sunan, fala 'inda ha'ula. Ba'dhum yabkhal rukhas al-ulama. Et ça nous montre un parmi les choses, min al-umur, أو من الأسباب التي تبعد الإنسان من السنة اتباع الرخص. أما المسلم إذ وصف الدليل عليكم بالسنة قال صلى الله عليه وسلم. أما بعض الناس عيادا بالله إدخان الرخص. الرخص c'est quoi? C'est une facilité maintenant un cheikh ici. Et peut-être que ça contredit le kitab ou la sunna. Si ça contredit le kitab ou la sunna, on n'a pas à prendre ça. Mais بعض الناس مثلا tu le conseilles ou يقول لكن الشيخ فلان قال. ولو قال الشيخ فلان c'est pas un nabi. وما امرنا الله سبحانه وتعالى باتباعه. امرنا الله عز وجل باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وحده. فالرخص ça nous écarte de sunnah النبي صلى الله عليه وسلم. Et celui qui fait pas attention ويتتبع رخص اهل العلم فقد أخبر بعض السلف أنه ربما يتزندق ربما أعوذ بالله يمرق من الدين لأن يسوي رخصة فلان لغض فلان لغض فلان لا فاسيليتي دو فلان في الحقيقة يسوي الهوى بعض الناس كذلك يسوي يعني خلاف كسوا في الصلاة وأخرى القصد سيبا الحق القصد سيبا je vais essayer de faire comme le prophète صلى الله عليه وسلم il a fait là c'est la facilité. La facilité, vu que Houa, ça l'arrange, il prend Hadal Qawl et il dit, Fulan, il a dit, la yinfa'a hada. Isma' kalam ibn al-Qayyim, rahmatullah alayhi. Qala, wa la yiqif inda aqwal al-murakhisin, alladhina yaqifuna ma'a aqal ma ya'taqiduna wujubahu, wa yakun ghayruhum qad naza'ahum fi dhalik. Wa qala azza wa jal, fa in tanaza'tum fi shay, farudduhu ila Allahi wa rasul, in kuntum tu'minuna billah wal yawm al-akhir. Si vous croyez vraiment Allah subhanahu wa ta'ala wa liyawm al-akhir, s'il y a un niza' al-khilaf, fa'in tanaza'tum fi shay, matalan, kama qal huna ibn al-qayyim, wa ghayruhum qad naza'ahum. Matalan, tel shaykh il a dit il faut faire telle chose pour salat, un autre il a dit il faut faire telle chose. Si on a l'iman billah wa biliyawm al-akhir, on doit revenir à Allah subhanahu wa ta'ala et à son messager. Farudduhu ila Allah, ay ila al-Qur'an, wa ila al-Rasul. À la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. لأن هذا الغير ربما il a raison. Pourquoi on prendrait la fatwa de tel shir, que ce soit fi salat ou autre, et on délaisserait l'autre? Pourquoi? Pourquoi tel shir il passe pas avant l'autre? حتى le nombre, c'est pas une hujja. Même s'il y a 10 min al-mashayikh qu'ils ont dit que telle chose c'était une sunna et un autre il dit c'est pas une sunna, on revient à la preuve. Enfin, si celui qui est seul il a raison, c'est son qawl al-haq. لماذا لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالرجوع إلى الدليل با إلى العدد إلى الكثرة قال رحمة الله عليه ولعل أو قبل ذلك وأوجب ما أسقطوه ولعل الأحاديث الثابتة والسنة النبوية من جانبه ولا يلتفتون إلى ذلك pourtant celui qui leur montre ربما c'est lui qui a le dalil c'est lui qui a le haq ne faites pas telle chose c'est une bid'a ne faites pas salat de telle façon c'est محدث c'est inventé لكن لا يلتفتون إليه لماذا لأن يا مرض في القلب on revient à le mashhad الأول الإخلاص الثاني الصدق pourquoi tu fais الصلاة la réponse de chacun ça doit être pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala طيب كيف تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى deuxième question comment tu te rapproches d'Allah subhanahu wa ta'ala il n'y a qu'une seule réponse أي صحيحة بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى toute ma umma يدخلون في الجنة إلا من أبى فقالوا من يأبى يا رسول الله Qui c'est qui va refuser d'aller fil Jannah? Ya Rasulallah. Qala man ata'ani dakhala al Jannah. Celui qui me suit dakhala al Jannah. Wa man asani faqad aba. Celui qui me désobéit, qui ne me suit pas, il a refusé. Ça te montre anna at-tariq al Jannah wa at-taqarrub ila Allah, c'est fi ta'at Nabi sallallahu alayhi wa sallam, la ghayr. Qala wa yaqulun ha'ula. Ay ceux qui délaissent sunnat Nabi sallallahu alayhi wa sallam, wa yaqulun nahnu muqallidun li madhhab fulan. نحن مقلدون لمذهب فلان وهذه حجة كل ضعيف. Celui qui n'a pas de ilm, celui qui n'est pas sûr, celui qui a des choubah, des wasawis, pour repousser un nasiha au lieu de l'accepter. Ça arrive de ne pas savoir. واحد مثلا il te dit يا أخي tu t'es trompé dans la salat, الصواب c'est كذا, et il te cite قال النبي صلى الله عليه وسلم dans tel hadith في صحيح البخاري. Normalement on lui dit barakallahu fik, jazakallahu khair أخي, t'as appris quelque chose, alhamdulillah. لكن ceux qui refusent, ils veulent pas accepter, عيادا بالله, إما لكبر, إما لتعصب, التقليد, comme il a cité هنا, الإمام ابن القيم, c'est quoi leur réponse? لكن نحن on suit le madhab de Fulan. Le madhab de n'importe quel imam, il passe pas avant sunnat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Normalement, la réponse exacte, ça doit être, نحن نتبع السنة. Ce qui contredit sunnat, on le rejette. Vous avez remarqué que بعض الناس, ils ont mis بعض الأئمة, وبعض المذاهب, au niveau de sunnat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Fayuwaluna alayha wa yu'aduna alayha. Et celui qui suit le madhab illam, celui qui contredit le madhab, il le déteste, ayyadam billah. C'est ça, al-ta'assub, al-tahazzub, al-inhiraf. Ama al-muslim, al-sunni, son wala et son bara, il est par rapport à sunnat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il aime et il déteste par rapport à sunnat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il suit sunnat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. On continue. فَإِنَّ اللَّهَ أو قبل ذلك نعم وَهَذَا لَا يُخَلِّصْ عِنْدَ اللَّهِ وَلَا يَكُونْ عُذْرًا لِمَنْ تَخَلَّفَ عَمَّا عَلِمَهُ مِنَ السُنَّةِ عِنْدَ. C'est pas une excuse à هذا. L'insan il sera interrogé يوم القيامة. فهذا c'est pas une excuse. Tel imam il a fait. أولا il faut voir est-ce que c'est vrai. Si c'est صحيح عن الإمام. لأن أحيانا بعض الناس ils disent tel imam et quand tu vérifies l'imam il a jamais dit, il a jamais fait ce qu'il prétend à Fulan. Thanyan, même si c'est vraiment vrai, est-ce que hadal imam il est ma'soum? Si on pose la question, est-ce que cet imam il peut se tromper? La réponse est na'am. Celui qui se trompe pas, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il est appuyé par le wahi, par la révélation. Amma shir Fulan ou l'imam Fulan, il peut se tromper. Donc c'est pas une excuse. L'imam, wallillahi alhamd, c'est un imam de la sunna, il est mujtahid, il est récompensé. Amma nahnu, fal wajib alayna, c'est l'ittiba' sunna. Qala, fa inna Allah subhanahu innama amara bi ta'ati rasulihi sallallahu alayhi wa sallam wa ittiba'ihi wahdahu wa lam ya'mur bi ittiba' ghayrihi. Ça c'est une fa'ida, ihfadha. Et cette fa'ida, ça doit être un manhaj pour nous. أن الله سبحانه وتعالى إنما أمر بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. كم من أدلة عليكم بالسنة قال صلى الله عليه وسلم. فالله سبحانه وتعالى أمرنا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم وحذرنا أي نزامي أن قعد عز وجل في القرآن الكريم عن مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم قال جل وعلا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. احذر من مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم من فتنة بل سيم شخص عذاب يوم القيامة. قال إنما أمر بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم واتباعه وحده. وهذا الحكمة ظاهرة في هذا. أي الله عز وجل أمرنا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم وحده حتى تجتمع الأمة واعتصموا بحبل الله جميعا. حبل الله في القرآن في السنة في السويف دي بخفة محمد صلى الله عليه وسلم. أما فلان يسويت المذهب أن أخر يسويت المذهب c'est ce qui se passe الآن. أن أخر يتعصب لهذا الشيخ أن أخر يتعصب لهذا الشيخ صافي من فرقة لا يعلمها إلا الله عز وجل. هذا يجي نحن أني أصحاب مذهب كذا هذا يجي أني أصحاب مذهب كذا نعوذ بالله. حتى à une époque et إلى الآن ça arrive dans certains endroits أن بعض المنتسبين لمذهب أبي حنيفة مثلا رحمة الله عليه ils mariaient pas leurs enfants à un musulman qui suit l'imam الشافعي عيادا بالله alors que c'est des musulmans. بل في الحرم المكي à une époque, ولله الحمد زال هذا, أن autour de la Kaaba il y avait quatre imams. Ils ne faisaient pas salat ensemble. رب واحد عز وجل نبي واحد قبلة واحدة قرآن واحد. Avec tout ça ils ont réussi à se diviser. Al-Maliki ne faisait pas derrière la salat derrière Al-Hanbali, ou Al-Hanbali ne faisait pas derrière Al-Maliki, Al-Maliki ne faisait pas derrière Al-Hanafi. Quatre salats fil haram al-Makki. C'est quoi la cause de hada? Al-Ta'assub. Alors que l'A'imma Al-Kibar, que ce soit l'imam Abu Hanifa ou l'imam Malik ou l'imam Shafi'i ou l'imam Ahmed alayhim rahmatullah, on a cité les quatre liens à leur école, elles sont connues l'un, eux-mêmes ils ont interdit hada. Wanzur مقدمة صفة الصلاة للشيخ الألباني رحمة الله عليه إلى ستين أقوال إذا ستموت فقه هذا الإمام محدث العصر الشيخ الألباني رحمة الله عليه avant de expliquer comment النبي صلى الله عليه وسلم a fait le salat, il a cité une introduction التعصب المذهبي, et il a démontré avec des sources authentiques les paroles des quatre imams. L'imam de الشيخ الألباني il a écrit cette introduction pour démontrer أن si واحد il lit son livre et مثلاً Cheikh Al-Albani il a dit oh, صحيح, c'est de faire كذا ثم واحد il dit la لكن l'imam Abu Hanifa قال, revient à l'introduction, la parole de l'imam Abu Hanifa rahmatullah alayhi elle passe pas avant la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam abadan. بل كثير من هؤلاء الأئمة il disait الحديث الصحيح c'est mon madhab, الحجة c'est mon madhab, وإذا خالف قولي سنة النبي صلى الله عليه وسلم فاضربوا به عرض الحائض أو على الحائض. Ou l'imam Shafi'i rahmatullah alayhi il a rapporté al-ijma', l'unanimité en hada ou ala hada. Qala rahmatullah alayhi comme fi i'lam al-muwaqqi'in l'imam Ibn al-Qayyim rahmatullah alayhi ajma' an-nas, l'unanimité ala anna man istabanat lahu sunnat an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, l'unanimité que celui qui a pris connaissance de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un point. مثلا la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam fi salat c'est de lever les mains quand tu veux faire ruku', quand tu te redresses de ruku'. فمن استبان له ذلك, le hadith lui est parvenu et il a compris. قال لم يكن له ان يدع لقول احد من الناس, tu n'as pas le droit de délaisser sunnat nabi sallallahu alayhi wa sallam pour la parole ou la vie ou la voix ou le madhhab d'un autre. ijma' an-nas, ijma' al-muslimin. Donc la taltafit ila aqwal al-muta'assibah, que ce soit fi as-salat ou fi ghayriha. خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. Et tout ce qui contredit la voix du prophète صلى الله عليه وسلم, c'est من الجهل, c'est من البدع, c'est من الخطأ, c'est من الخرافات. أما les avis des imams, un imam il peut se tromper. بل النبي صلى الله عليه وسلم il a démontré que s'il se trompe il est على خير. الحمد لله. لكن نحن le suivre aveuglément, ça c'est pas من الاجتهاد في شيء, ça c'est من الهوى. الإنسان il est على خطر. Si il revient pas à sunnat an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Qala wa innama yuta' ghayruhu idha amara bima amara bihi ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam. Fa'ida. Pourquoi on recommande aux gens de revenir aux savants, aux compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les imams après eux, kadhalik walillahi alhamd, nos savants contemporains, l'imad, li anna ils suivent et ils aiment et ils appellent à sunnat an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. On encourage les gens à revenir au savant. Lakin, si un savant parmi les savants, il n'est pas ma'asoum, mujtahidun yukhti, ghafla, ou un oubli, ou une mauvaise compréhension, ou il se base sur un hadith da'if, et il se trompe, fala yajouz ittiba'ahu. Fala ulama, on les suit, les ma'adali, annahum, ils suivent sunnat nabi sallallahu alayhi wa sallam. Fala si dans un point, il khalif sunnat nabi sallallahu alayhi wa sallam, bishtihad, yanna le savant, il ne va pas contredire sunnat nabi sallallahu alayhi wa sallam volontairement, abadan. أبداً العلماء سوارثة الأنبياء لكن سيسترهم ففي هذا الحال pourquoi le suivre, il n'a pas dans ce point le suivi de sunna, enfin pourquoi le suivre, enfin forcément on trouvera un autre savant qui suit la sunna dans ce point et on revient à lui et on respecte l'autre. أما التعصب ça écarte sunna النبي صلى الله عليه وسلم. قال وإنما يطاع غيره إذا أمر بما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم وكل أحد سوى الرسول صلى الله عليه وسلم فمأخوذ من قوله ومتروك. deuxième règle, elle est fondée sur la parole de l'imam Malik رحمه الله عليه, بل elle est fondée sur un hadith, hadith Ibn Abbas وثبت مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن كل يؤخذ من قوله ويرد إلا النبي صلى الله عليه وسلم. ولمن مالك رحمة الله عليه لأن سلبغ بقول أن كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر وكان يشير إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم et montrer du doigt la tombe du prophète صلى الله عليه وسلم. Hey, on peut prendre la parole de quiconque ou la délaisser sauf le prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم. فكي c'est qui nous a imposé de suivre un madhhab dans tout? Et si on sort de ce madhhab, on contredit le madhhab, كأنه on a خالف القرآن والسنة من ça, ça vient de الجهال والمتعصبة. فاحذر من هذا الفكر. Et fais des efforts في l'apprentissage de la sunna. Et bien sûr, reviens au savant de la sunna. Celui qui apprend un madhhab, il n'y a aucun mal. لكن التعصب لا. Et si tu viens étudier les livres de أئمة هذه المذاهب, tu vas voir أنهم ils étaient منصفون. Et leur but c'était de suivre sunnat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Les élèves de Abu Hanifa rahmatullah alayhi par exemple, que ce soit Abu Yusuf ou autre, khalafu Abu Hanifa dans certains points. Pourquoi? Ils ont vu que sunnat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, le qawl d'Abu Hanifa, il contredisait sunnat dans tel point. Ils ont délaissé son qawl. Ça montre qu'ils voulaient le haq. L'imam Ibn Abd al-Barr rahmatullah alayhi, dans son livre At-Tamhid ou l'Istidhkar, dans plusieurs masa'il, il khalif l'imam Malik rahmatullah alayhi. Pourtant, Ibn Abd al-Barr, c'est min a'immatil malikiyya. Il khalif dans certains points. L'imam Ali, il a eu connaissance d'un hadith qui était authentique et qui a khalif le madhhab, il a délaissé le madhhab. L'imam Nawawi rahmatullah alayhi, son livre Al-Majmou', c'est parmi les références fi madhhab al-Shafi'iyya. Il a délaissé certaines paroles de l'imam al-Shafi'i rahmatullah alayhi. Pourquoi? Il a eu connaissance d'un hadith ou autre, et il s'est appuyé dessus, il a trouvé le haq et il a délaissé. L'imam Ibn Qudama, rahmatullah alayhi, son livre Al-Mughni, c'est une des références fi Al-Madhhab Al-Hanbali. Dans plusieurs points, il khalif l'imam Ahmed, rahmatullah alayhi. L'imam Ali, leur but, c'est le suivi du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Suivre un madhhab, ce n'est pas interdit. Apprendre le fiqh matalan dans tel pays, ils apprennent à la tariqat l'imam Ahmed, dans tel pays, à la tariqat l'imam Malik. Là, se fonder sur un matn, l'apprendre. Lakin, la source et la base, c'est sunnat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Si le madhhab, il nous dit telle chose, c'est une sunnah. Thumma, on trouve que dans sunnah, il n'y a aucun dalil ala hada. Qui c'est qui nous ordonne de suivre le madhhab? Personne. Illa, ba'dan nas, ils ont al-hawa wal-jahl. Et ils ont mis ces madhhab au niveau de sunnat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. فَلِهَذَا tu les trouves فِي صَلَاتِهِمْ يُخَالِفُونَ سُنَّةَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم dans certains points. Et للأسف بعضهم ربما يُمصح ولا يقبل النصيحة ومثل هؤلاء sont على خطر. الله سبحانه وتعالى الثبات والتوفيق. Et dans le deuxième درس, إن شاء الله تعالى نكمل هذا الباب النفيس.